Que le Seigneur vous bénisse. Bwana imibariki. Nous remercions le Seigneur. Tunapikia Bwana asanti. Pour chaque minute qu'il nous donne. Juu ya kila dakika alikonitupachia. Pour lui adresser un mot de prière. Juu ya shiku muombako. Il y a des hommes et des femmes. Kukubana umina bana muke. Qui à ce moment ou pendant cette journée. Bale mwi wakati au shiku ya leo. Avait souhaité adresser un mot de prière au Seigneur. Baripenda kumuomba ko Bwana. Mais cette occasion ne leur a pas été offerte. Lakini abakupate ile bati. Les autres sont gravement malades. Bengine ni bagonjwa sana. Les autres sont embrouillés avec les situations de la vie. Bengine banavurukwa na mambo ya maisha. Les autres sont en train de fuir devant les balles. Bengine beko na kimbia mbele ya masashi. Les autres à ce moment sont en agonie. Bengine beko karibu na kufa. Mais si Dieu nous donne cette occasion, lakini kama Mungu anetupachia hii bati, nous ne pouvons pas être ingrats pour dire merci au Seigneur. Atuwezi kubakia bila kusema asante kwa Bwana. Et dans notre foi, na muimani yetu, chaque fois que nous nous approchons du Seigneur dans la sincérité, wakati yote tunakaribia mbele ya Bwana na moyo wa haki, notre prière sera exaucée. Maombi yetu itajibiwa. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Mungu ana mtu njoo kutudanganya. Il est fidèle à sa parole. Ni mwaminifu kuneno lake. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame njoo ya usomi wa neno la Mungu. Et pour la prière. Na njoo ya maombi. Père céleste, merci. Baba wa mbinguni, asante. Pour ce privilège que tu nous as donné. Juu ya hii madaraka unatupachia. De nous retrouver dans ta maison. Ya kupatikana munyumba yako. De nous avoir donné la force. Ya kutupachia nguvu. Pour nous adresser à toi. Juu ya sisi kukuomba. Au nom de Jésus-Christ, Mungina ya Yesu Christo, exauce chaque prière. Jibia kila ombi. Parce que cela est ta volonté. Njoo ile ni mapenzi yako. Tu as dit prier en tout temps. Ulisema muombe mu wakati yote. Et lorsque nous prions, nous accomplissons ta volonté. Na wakati tukunaomba, tukunatimiza mapenzi yako. Et nous serons heureux lorsque nous verrons notre prière se réaliser. Na tutakuwa baheri wakati tutaona maombi yetu kujibiwa. Et nous croyons que tu le feras. Tunaamini akusema utaifanya. Parce que nous l'avons fait au nom de Jésus-Christ. Kwani tuliifanya mujina ya Yesu Kristo. Bénis les sacrifices que tes enfants ont fait. Ubariki kujitolea kwa batoto yako. Et fais-nous la grâce. Na utupanishie kwa neema. De recevoir une portion de ta part. Ya kupokea kwa sehemu kwa upande wako. Donne-nous un meilleur entendement spirituel. Oui, tupe usikilivu mzuri ya kiro. Et nous bénirons ton nom. Na tutabariki jina lako. Merci Père. Asante Baba. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Sois avec nous parce que tu as promis. Uwe katikati yetu. Parce que tu as promis. Juli uliahidi. Que là où s'assemblent deux ou trois en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Ya kusema pale panakusanyika wawili au watatu munjina lako utakuwa katikati yao. Viens Seigneur. Uya Bwana. Et ta présence nous fera du bien. Na wepo yako itatufanya mzuri. Merci Père. Asante Baba. Nous te prions ainsi avec foi. Tunakuomba hivi na imani. Au nom de Jésus Christ. Munjina ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Dans Daniel au chapitre 3. Mudanieli sura yake ya 3. Nous commençons au verset 1. Mumustari yake ya kwanza. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Mfalme Nebuchadnezzar kafanya sanamu ya zahabu. Haute de 60 coudées. Yenye kwa na urefu ya 60 coudées. Et large de 6 coudées. Na bufupi ya 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Dura. Akajenga mu bonde ya Dura. Dans la province de Babylone. Mujimbo ya Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fut convoqué les satrapes. Mufalme Nebuchadnezzar akaitisha ba satrapes. Les intendants et les gouverneurs. Ba ongozi na baliwali. Les conseillers, les trésoriers. Ba shauri na ba kuchunga zina. Les jurisconsultes. Ba jurisconsultes. Les gens de la loi. Bantu ya sheria. Les juges. Ba bamsi. Et tous les magistrats de province. Na ba magistrats bote wa majimbo. Pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Juu bende kukutolea ile sanamu ile mfalme Nebuchadnezzar alijenga. Alors les satrapes. Bale ba satrapes. Les intendants et les gouverneurs. Baongozi na baliwali. Les conseillers et les trésoriers. Ba shauri na ba kuchunga zina. Les jurys consultent. Na bantu ba sheria. Les juges. Bamti. Et tous les magistrats des provinces. Na ba magistrats bote wa majimbo. S'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Baka kusanyika njua kutolea ile sanamu ilijenga mfalme Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue. Qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Bakashimama mbele ya sanamu ile linyanyua mfalme Nebuchadnezzar. Et Nero cria à haute voix. Na mtu moya kalalamika na sauti ya nguvu. Voici ce qu'on vous ordonne. Tazama ile tunemwagiza. Peuple. Taifa. Nation. Watu na mataifa. Homme de toute langue. Watu wa maluga yote. Au moment où vous entendrez le son de la trompette. Wakati mtasikiliza mulilio ya parapanda. Du chalimon. Ya chalimon. De la guitare. Ya nzenze. De la sambuk. Ya sambuk. De palterion. Ya palterion. De la cornemuse. Ya cornemuse. Et de toutes sortes d'instruments de musique. Na ya aina yote ya vyombo vya musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Mutainama na mutabudu ile sanamu ya zahabu ile mfalme Nebuchadnezzar alinyanyua. Quiconque ne se prosternera pas. Ye yote ashtainama. Et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant. Même au milieu d'une fournaise ardente. Na kukosa kuyabudu atatupwa pale pale hata mtanuru ya moto. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette. Jo kwa maana wakati ile watu walisikia mlilio ya parapanda. Du chalimon. Ya chalimon. De la guitare. Ya nzenze. De la sambuk. Ya sambuk. De palterion. Ya psalterion. Et de toutes sortes d'instruments de musique. Na ya aina yote ya chombo ya ya musique. Tout le peuple. Taifa yote. Toutes les nations. Watu wote. Les hommes de toute langue. Watu wa maluga yote. Se prosternèrent. Wakainama. Et adorèrent la statue d'or. Na wakabudu sanamu ya zahabu. Qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Il mfalme Nebuchadnezzar alinyanyua. Vous pouvez vous asseoir. Mnezi kuketi. Dans le verset 8. Mumustari yake ya mnane. À cette occasion. Kwa ile wakati. Et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Wakaldea wamoja wakakalibia na wakashitaki wa Yuda. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar. Wakaanza kusema na kumwambia mfalme Nebuchadnezzar. O roi, vis éternellement. E mfalme ishi milele. J'ai donné un ordre d'après lequel. Urileta agizo kufuatana na hiyo agizo. Tous ceux qui entendraient le son de la trompette, wote wale watasikia mlio ya parapanda, ainsi de suite, ainsi que tous les que toutes les autres que toutes sortes d'instruments, na vyombo vyote vya musique, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Walipasha kuinama na kuabudu sanamu ya zabu. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas, na kufuatana na ile yeyote ule asita inama, et ne l'adorerait pas, na kukosa kuyabudu, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Alipashwa kutupwa mutanuru ya moto. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Japo kuku wa Yuda wale ulipachia uongozi ya jimbo ya Babiloni. Shadrach, Meshach et Abednego. Na Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Watu wale hawakushituke, e mfalme. Ils ne servent pas tes dieux. Abatumikie miungu yako. Et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Na ababudu ile sanamu ya zabu linyanyua. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. C'est depuis hier que nous parlons de l'orgueil de Nebuchadnezzar. Nitangia jana tukunasemea yule ya kiburi ya Nebuchadnezzar. Et de l'adoration de la statue d'or qu'il avait élevée. Na mabudu ya sanamu ya zabu ile alinyanyua, dont il voulait que tout homme dans son royaume l'adore. Il est aripenda muntu wote mufalme wake apate kuyabudu. Sinon il serait jeté dans la fournaise ardente. Kama pana alipashwa kutupwa mutanuru ya moto. Si vous suivez bien cet événement, kama munafuata mzuri hii mambo, le roi Nebuchadnezzar avait reçu de très mauvais conseils. Mufalme Nebuchadnezzar alipokea mashauri mubaya sana. En réalité, il y avait des hommes qui n'appréciaient pas les Juifs à Babylone. Kusema kweli, kulikuwa watu hawakwanza kufurahikia Wayuda mu Babiloni. Qui savaient qu'ils occupaient de hautes fonctions dans ce royaume. Bariyo kusema barikuwa na macheu ya jumu ile ufalme. Et qu'ils avaient la confiance du roi. Na mufalme alikuwa yako na batumainia. Ces conseillers, par jalousie et par méchanceté, ababa shauri yake kupitia wivu na romu baya, qui savait bien que le véritable juif ne peuvent pas s'agenouiller devant une statue. Bale bariwa kusema bayuda bavya kweri abawezi kuinama mbele ya sanamu. Et dans leur pensée, ils voulaient piéger les Juifs. Na mawazo yabo balipenda kutegea mtego wa Yuda. Entre autres, Shadrach, Meshach et Abednego. Bamoja bao ni Shadrach, Meshach, Abednego. Pour qu'ils soient écartés des grandes responsabilités qu'ils occupaient à Babylone. Njube batoshe le macheu mkubwa balikuwa nayo mu Babeli. Dans le but de les remplacer. Njube bakombole. Ils vinrent par flatterie. Bakakuya kwa kubawembeleza. Il vinrent par flatterie. Bakakuya na kuwa. Il voulait flatter le roi Nebuchadnezzar. Bakakuya baripenda kumufurahisha mfalme Nebuchadnezzar. Ceux qui avaient donné ce conseil au roi. Nibonjo bali mupatiaka imashauri mfalme. Il dit tu es un grand roi. Manasema uko mfalme mkubwa. Tu domines toute la terre. Ukuna tawala dunia yote. Élève une statue. Ujenge ko sanamu. Et que tout le royaume et que tous les hommes de ton royaume l'adorent. Na bantu bote ba mfalme wako bapate kuiabudu. Quiconque ne le fera pas sera jeté dans la fournaise. Yeyote ashtaifanya atatupwa mtanuru. Le roi Nebuchadnezzar fut insensé de les écouter. Mfalme Nebukadneza akakosa akili akabashikia. Il tomba dans leur piège. Akanguka mumutego yao. Lui pensait que c'était par amour. Yali wazia kusema ni kupitia tu mapendo. Il pensait que ces gens l'aimaient. Aliwazia kusema bantu bari mupenda. Il voulait l'honorer. Balipenda kumheshimia. Mais en réalité, c'est mauvais conseiller. Lakini kusema kweli hapa bashauri babaya. Qui réellement était inspiré par Satan. Bobia kweli balikuwa benye kongozwa na shetani. Visait le véritable juste dans le royaume. Barikuya beko na kifukuzio chabo mfalme. Il en voulait au véritable juge dans le royaume. Baripenda kuletea mambo baamuzi babya kweli mfalme. Mais par manque d'attention. Lakini kukosa angalisho. Parce que Nebuchadnezzar voyait qu'à son honneur. Juu Nebuchadnezzar yaranza tu kuangalia pa kuheshima yake. Il tomba dans leur piège. Akaanguka mumutego yao. Et ils ont fait faire une ordonnance au roi Nebuchadnezzar. Nabo barisukuma mfalme Nebuchadnezzar apate kuandika kwa agizo. Dont la loi était inviolable. Ile abakupasha kuivunja. Selon les coutumes babyloniennes. Kufatana na namna ya kutenda ya bantu ba Babyloni. C'est pourquoi après avoir érigé cette statue. Kish njo kwa maana kisha bo kujenga ile sanamu. Regardez l'homme qui s'est levé pour donner l'ordre à tous les gouverneurs, à tout le peuple. Mwangalie ule muntu alisimama njo kuleta agizo kwa waliwali wote na kwa watu wote. C'est un rapporteur du diable. Ni mumoja wa kusemelea shetani. C'était le ministre de l'information du diable. Ilikuwa ni waziri wa kupasha habari ya shetani. Celui qui crie. Yenjo analalamika. Il dit, voici ce qu'on vous ordonne. Anasema tazama ili hii tunemiagiza. Regardez les quelques Chaldéens qui s'approchèrent pour accuser les Juifs. Mwangalie wamoja wa kukaldea wale walikaribia njoa kusitaki wa Yuda. Ce sont les mêmes gens qui se retrouvaient dans le même groupe. Ni bantu bamoja bamoja balikuya munkunji moya. Dans le même complot. Mwile kutunga kwa ile mambo. Parce qu'ils visaient les Juifs. Jubo barianza kuangalia ni Bayuda. La présence des Juifs dans le royaume de Babylone. Wepo ya Bayuda mu chimbo ya mfalme ya Babylone. Les dérangeait beaucoup. Ilianza kuibauji sana. Ils ne les appréciaient pas. Bakwanze kubafurahikia. Et pourtant c'était des hommes corrects. Lesa ilikuwa ni bantu benye kunyoloka. Des hommes justes. Baaki. Des hommes qui respectaient les lois. Bantu bale baranza kuheshimu masheria. Même les lois de Babylone. Ata masheria ya kubabiloni. Ils n'étaient pas à Babylone pour un pouvoir royal. Abakuye kubabiloni njuu ya kutawala. Ils savaient qu'ils étaient étrangers. Baliwa kusema bo balikuwa ni bageni. Et qu'un jour il partirait parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Na siku moja baripasha kwenda njoo barijua sheria ya Mungu. Il n'était pas à Babylone pour s'éterniser dans ce pays. Abakuye mu Babylone njoo ya kuishi imo milele. Ils avaient leur propre pays natal. Barikuya na inchi yabo ya kizarikio. Que Dieu leur avait donné. Ile Mungu alibapachiaka. Ils venaient de la Judée. Baritokea ku Judea. Et ils venaient de Jérusalem. Na baritokea ku Yerusalema. Et même regretter en étant à Babylone. Bo benye baranza kuzunika vile barikuwa ku Babylone. Mais il y avait de la jalousie. Lakini kulikuwa wivu. Et tous ces gens les appréciaient pas. Na bale batu bote abakwanze kubafurahikia. Il voulait les éliminer. Balipenda kubaua. Il voulait les faire disparaître. Balipenda kubajimisha. Il ne voulait pas voir ces hommes servir à Babylone. Abakupende kona aba bantu kutumika mu Babylone. C'est comme nous l'avons dit hier. Ipaka vile tulisema jana. Si le roi Nebuchadnezzar. Kama mfalme Nebuchadnezzar. Avait eu seulement un peu de bon sens. Alikuya kotu na akili safi. Il consulterait Daniel. Alipasha kuuliza Danieli. Et ses trois compagnons. Na barafiki yake batatu. Parce que c'est pourquoi, c'est pour cette raison qu'il les avait établis dans le royaume. Ju ni mwile kifukuzio alibaweka mu Babylone. Ils étaient à son service. Barkuya mukazi yake. Mais il a oublié. Lakini alisabwa. Parce que Satan était dans les coups. Kwani shetani alikuya mwile mapu. Bien-aimé frère et sœur. Wapendwa nduku na dada. Si tu es un véritable chrétien. Kama uko mkristo wa byakweli. Tu dois savoir. Unapasha kujua. Tu dois croire. Unapasha kuamini. Que le monde dans lequel nous sommes. Ya kusema dunia mule tuiko. Ne nous aime pas. Haitupende. Comme ils n'ont pas aimé Jésus Christ. Vile abakumupende Yesu Kristo. Le monde ne peut pas nous aimer. Dunia haiwezi kutupenda. Et Jésus dans Jean chapitre 17. Na Yesu mu Yohane 17. Il est clair. Eko wazi. Il dit si le monde ne vous aime pas. Anasema kama dunia imipende. C'est parce que moi je vous ai choisi du milieu du monde. Njumi emili michakula katikati ya dunia. Et aujourd'hui si le monde ne nous aime pas. Na leo kama dunia haitupende. C'est parce que Jésus-Christ nous a sortis du monde. Ninju Yesu Kristu alitutosha mudunia. Dans Jean au chapitre 17. Mu Yohane sura yake ya 17. Dans le verset 9. Mu mstari yake ya 9. C'est pour eux que j'ai prié. Ninju yao nikunaomba. Je ne prie pas pour le monde. Mishombe dunia. Mais pour ce que tu m'as donné. Lakini njua bale ulinipachia. Parce qu'ils sont à toi. Jubo ni bako. Dans le verset 11. Mustari ya 11. Je suis plus dans le monde. Mishi na tena mudunia. Et ils sont dans le monde. Bove ko mudunia. Et je vais à toi. Na mina kuja kwako. Dans le verset 13. Mustari ya 13. Allons vite dans le verset 14. Mustari ya 14. Je leur ai donné ta parole. Mili bapachia neno lako. Et le monde les a haïs. Na dunia inebachukia. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Njoo abana ba mudunia. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vile miye shina wa mudunia. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mishi kuombe ubatoshe mudunia. Mais de les préserver du malin. Lakini uibachunge kububaya. Ils ne sont pas du monde. Abana ba mudunia. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vile miye shina wa mudunia. Vous voyez. Munaona. Un véritable chrétien comprend cela. Mukristo bia kweli yeko naelewa ile. Et vous le comprendrez aussi. Na mtaelewa ninyi pia. Peu importe ce que nous faisons, ijapokuwa yote tukunafanya, le monde ne nous apprécie pas. Dunia haiwezi haitufurahikie. Le monde ne nous aime pas. Dunia haitupende. Si dans ton cœur tu crois, kama mumoyo wako unaamini, que le monde t'aime, unawazia kusema dunia inakupenda, tu es séduit. Unaisha kutongozwa. Et tu ne comprends rien. Na awelewe kitu. Vous n'êtes même pas né de nouveau. Si tu fais des choses pour être aimé et apprécié par le monde, tu n'es pas un fils de Dieu. Tu n'es pas une fille de Dieu. Et vous êtes déjà dans les filets de l'ennemi. Un chrétien, une chrétienne, fait toutes choses, c'est pour honorer la parole de Dieu, c'est pour se faire aimer par Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Retournons à Daniel chapitre 3. Turudie mkitabu cha Danieli sura yake ya 3. Cette statue d'or. Hii sanamu ya zabu. Adorée. Ibaranza kuabudu. Cette statue d'or. Hii sanamu ya zabu. Qui a été imposée dans le royaume de Babylone. Ile bariweka kwa kukazisha mfalme ya Babylone. Pour être adorée par tout le monde. Jube ya budu kubantu bote. Par tous les peuples. Kubantu bote. Par toutes les nations. Mataifa yote. Par toutes les langues. Maluga yote. Est un type. Ni mufano. De l'image de la bête. Ya picha ya nyama. Du conseil ecumenique. Ya shauri ya mungano ya makanisa. De la marque de la bête. Ya chapa ya nyama. Que Satan doit organiser sur toute la terre. Il est Shetan anapasha kuleta pa dunia yote. Afin de piéger le véritable adorateur du Dieu vivant. Juu ya kuwekea mutego ya babudwai ba Mungu wa byakweli mwenye kuya hai. La statue d'or. Il est sanamu ya zabu. Qui avait été imposé par Nebuchadnezzar. Il est Nebuchadnezzar alijengaka kwa ukazisha. Dans tout son royaume. Mufalme yake yote. Est un type de la marque de la bête. Ni picha ya de la marque de la bête. Ya chapa ya nyama. De l'image de la bête. Ya picha ya nyama. Du conseil. Et communique des églises. Ya shauri ya mungano ya makanisa. Que Satan aujourd'hui dans le monde. Ile shetani leo mudunia. Doit organiser sur toute la terre. Anapasha kuweka pa dunia yote mzima. Pour piéger le véritable adorateur de notre Seigneur Jésus Christ. Jua kutekia mutego ba kuabudu ba byakweli ba Bwana wetu Yesu Kristu. Qui est le véritable Dieu vivant. Mwenye kuya Mungu wa byakweli. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nafuata. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa iko nafuata. Je reprends. Narudiria hapo. La statue d'or. Ile sanamu ya zabu. Dont l'adoration était imposée à tout le peuple du royaume de Babylone. Ile kuiabudu kulikazishwa kwa watu wote wa Babiloni. Grand ou petit, wakuwa na wadogo, sage ou illettré, benye ikima au basipo kujifunza, commerçant ou cultivateur, bafanya biashara au balimaji, adorateur de tout bord, ba budwai bote, est un type ni mufano que la Bible annonçait, ile Biblia ilitangaza, de l'image de la bête, ya picha ya nyama, qui n'est pas autre chose que le protestantisme du conseil ecumenique mshauri ya makanisa et de la marque de la bête na ya picha ya nyama qui n'est pas autre que le romanisme yashipokuya kitu kingine kama ina romanisme que Satan doit organiser sur toute la terre pour piéger le véritable chrétien qui sont le véritable adorateur du véritable Dieu vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est avec moi. Toute cette histoire que nous venons de lire, y compris cette adoration de la statue, est une scène commanditée par Satan. Une chose qui a été commanditée par Satan. Au moyen de la religion et de la politique, kupitia siasa na dini, afin d'ôter juu ya kuondosha le véritable chrétien, ba Kristo vya kweli, le véritable adorateur ba, du Dieu vivant, ba budai ba vya kweli ba Mungu aliye hai, de la scène abatoshe mukazi dans le but mukifukuzio de remplir toute la terre ya kujaza dunia yote de l'idolâtrie na kuabudu kwa sanamu en adorant Satan. Mkuabudu shetani. Je réponds cela. Minarudiri hapo. Toute cette histoire que nous venons de lire. I mambo yote tunatokea kusoma. D'abord au temps de Daniel. Mbele mwakati ya Danieli. Et cette adoration de la statue naï kwa budu kwa sanamu, qui était imposée à Babylone, kulikazishwa mu Babeli, dans tous les royaumes de Babylone, numa ufalme yote ya Babylone, était une scène qui était commanditée par Satan, ilikuya kitu ile shetani alitunga, au moyen de la religion et de la politique, kupitia dini na siasa, pour ôter tous les véritables croyants, kondosha, le véritable adorateur, du véritable Dieu, ba Mungu kweli, de la scène, e batoshe mkibeta, de toute activité, e batoshe mkazi yote, dans le royaume de Babylone, mfalme ya Babyloni, dans le but de remplir, dans le but de remplir de l'idolâtrie dans tous les royaumes de Babylone, en adorant rien que Satan dans le royaume de Babylone. Et il fallait que Satan soit adoré par tous les croyants et par tout homme, grand ou petit, akuye mkubwa au mdogo, par toute langue, kupitia maluga yote, et par tout peuple, na kumatai, kuba, sur qui le roi Nebuchadnezzar, yulu yake mfalme Nebuchadnezzar, dominé. Alianza kutawala. C'était l'adoration de Satan. Ilikuya ni kuabudu kwa shetani. À travers la statue, kupitia sanamu, tout le royaume de Babylone, le wa Babylone devait adorer Satan. Et pour taire, nanjua kuikalisha kimya, il fallait faire taire, kufungisha kinwa, il fallait tuer, ipasha kuua, il fallait écarter de la scène, ipasha kuondosha, il fallait faire disparaître tous les véritables adorateurs de Jéhovah sur la terre. C'est pourquoi Satan avait inspiré cela. Et maintenant, aujourd'hui, sasa leo, la marque de la bête, chapa ya nyama, l'image de la bête, picha ya nyama, les conseils communiquent, ushauri ya makanisa, mungano ya makanisa, est une aussi scène commanditée par Satan. Na yoni kindu ile shetani anatunga, sur toute la terre, pa dunia nzima, au moyen de la religion et de la politique, dini na siasa, pour ôter les véritables chrétiens aujourd'hui sur toute la terre de la scène afin de remplir de l'idolâtrie sur toute la terre, sur toutes les nations, sur toutes les langues, sur toutes les tribus, en adorant Satan. Depuis que Satan s'est révolté au ciel. Tangia Shetani kutomboka kumbingu. Parce que la révolte a commencé au ciel. Lucifer, qui est devenu adversaire de Satan, mwenyewe anakuya adiwa wa Mungu. Il voulait se faire adorer. Alipenda bamwabudu. Il voulait faire un coup d'état. Alipenda afanye coup d'état au Seigneur. Anyanganye kutawala kwa Créateur. Kwa Bwana mubaji. Il voulait les remplacer. Alipenda mukombole. Et lorsqu'il a échoué, na wakati alishindwa, il a été précipité sur la terre. Anamutupa pa dunia. Et dans son cœur, na mumoyo wake, dans son objectif, mukifukuzio yake, depuis qu'il a été précipité de la terre, alitupwa pa hii dunia, par tous les moyens, namna yote, par toutes les voies, manjia yote, Satan voudra toujours se faire adorer. Atapenda paka bamwabudu. Il se fait adorer dans les statues. Eko, beko na il se fait adorer dans les bêtes. Beko na jipanya bamwabudu, il se fait adorer dans les créatures. Dans les créatures, il se fait adorer dans le roi, il se fait adorer dans les conducteurs. C'est son objectif. Satan, depuis qu'il est tombé, veut toujours se faire adorer. Oui, bien-aimé frère et soeur, c'est l'objectif de Satan. Et ici à Babylone, il voulait profiter de ces royaumes païens pour se faire adorer sur toute la terre. Comme Dieu était adoré au ciel et qu'il a manqué d'être adoré au ciel, il est venu sur la terre, il renversa l'homme, il prit le contrôle de la terre et il a toujours voulu être adoré par les hommes sur la terre. Bantu pai dunia. C'est ainsi qu'ici, jo, à Babylone, il écarte les adorateurs de Jéhovah pour qu'il soit lui adoré seul. Et aujourd'hui, il poursuit le même objectif. Nous parlerons de la marque de la bête. Nous parlerons de l'image de la bête. Nous parlerons du Conseil mondial des églises qui est déjà opérationnel quand je vous parle maintenant. Voyez, quand je vous parle maintenant, c'est déjà opérationnel. Voyez, mais ce n'est pas encore visible à tout le monde. Parce que le temps n'est pas encore venu. Le Saint-Esprit est encore en train de travailler. Voyez bien, mes frères, c'est Satan. Dans les conseils ecuméniques des églises, par le moyen de la religion et par le moyen de la politique, il veut se faire adorer. Anapenda ba mwabudu. Il veut que tout le monde soit idolâtre. Anapenda mutu wote ya mwabudu. Et c'est ça son objectif. Jo kifukuzio yake kile. L'église est avec moi. Eti kanisa ikunafuata. Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel makumi mbiri na mnani. C'était le plan de Satan depuis longtemps. Ilikuya mapu ya shetani tangia zamani. Et quand Satan trouve un moyen de se faire adorer, na wakati shetani alors il le fait, il en profite. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. De 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Upate kumwambia sultani wa Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ivi anasema Bwana wa milele. Ton cœur s'est élevé. Moyo wako ilijinyanyua. Et tu as dit, je suis Dieu. Na ulisema niko Mungu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Nekala pakiti ya Mungu. Au milieu et au sein des mers. Katikati ya mabahali. Toi, tu es un homme, un non-Dieu. Wewe uko mtu, hapana Mungu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour lui. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est Satan. Voyez, qui s'était élevé dans son cœur et qui veut prendre la place de Dieu, que ça soit au temps de Nebuchadnezzar avec la statue d'or qu'il avait élevée, c'est Satan qui voulait se faire adorer sur toute la terre. Que ça soit aujourd'hui dans les conseils mondiaux des églises ou dans les conseils écuméniques, avec l'image de la bête ou la marque de la bête, c'est toujours Satan qui s'élève pour être adoré sur toute la terre. Dans Ésaïe 14, dans son verset 13 à 14, la Bible révèle encore les intentions de Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire au-dessus des fils de Dieu. Et je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, je serai semblable au Très-Haut. C'est Satan qui se faisait adorer. C'est le même plan qu'il a. Aujourd'hui, sur toute la terre, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, dans son verset 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire adui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous verrons encore cela. Vous voyez bien, mes frères, Satan n'a pas oublié sa mission. Satan n'a pas abandonné sa mission. Et pendant que les gens dorment, ils pensent que tout va mieux. Satan est en train de faire ses plans pour qu'ils séduisent tous les habitants de la terre afin qu'ils soient adorés. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, c'est vrai, frère, nous en parlerons davantage. Oui, Dieu. Dans Daniel 3, dans son verset 12, écoutez ce que dit les accusateurs de notre de véritables chrétiens. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la promesse de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte au roi. Et qui ne tient aucun compte de toi, ô roi. Bantu bale abakushituke mukintu e mfalme. Ils ne servent pas tes dieux. Abatumikie miungu yako. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Na ababudu ile sanamu ya zabu ritunga. Oui, bien aimé frère et sœur. Dio ndugu mpendwa na dada. C'est seulement les fils de la perdition. Ni paka tu bana ba upotevu qui adoreront ces statues aujourd'hui, c'est-à-dire le Conseil mondial des églises. Il n'y a que les fils de la perdition qui adoreront cette statue aujourd'hui que nous appelons le Conseil mondial des églises. Tous ces frères et toutes ces sœurs qui négligent le message du temps de la fin, qui s'absentent à l'église pour qu'ils n'entendent pas ces choses que Dieu nous a révélées par sa grâce, pour nous avertir afin d'échapper au pire qui arrive, tous ces gens qui n'ont pas l'amour de la vérité dans leur cœur, qui n'ont aucun souci de comprendre profondément les voix de Dieu, voilà les hommes et les femmes qui vont adorer le Conseil mondial des églises, ceux qui vont adorer Satan, ceux qui vont entrer dans le Conseil mondial des églises, même ceux qui prétendent croire le message du temps de la fin, qui ne sont pas nés de nouveau et qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, seront membres du Conseil mondial des églises. Nous allons en parler davantage parce que nous sommes en train de montrer le plan de ce que nous parlerons. Il n'y a que les fils de la perdition. Comment tu peux savoir que tu es un fils de la perdition? C'est lorsque tu n'as pas l'amour de la vérité dans ton cœur. C'est lorsque dans ton cœur, tu n'as pas le souci d'avoir le véritable Dieu. C'est lorsque dans ton cœur, tu ne cherches pas la véritable nouvelle naissance et le véritable le baptême du Saint-Esprit, vous êtes habité par les esprits sataniques qui sèment en vous de la négligence, qui ne voient aucune importance dans la parole de Dieu, qu'il plaît ou qu'il n'ait. Le temps viendra, vous allez adorer la statue du diable. Vous serez réellement dans les conseils. Utakuya vya kweli mshauri ya ulimwengu wa makanisa. Ndio ndugu mpendwa. Ndio dada mpendwa. C'est seulement les fils de la perdition. Ni bana tu ba upotevu. Qui seront pris dans ces pièges. Ndio bataivya mwile mtego. Mais pas les véritables chrétiens. Lakini hapana ba Kristo ba vya kweli. Pas les véritables fils de Dieu. Hapana ba binti ya Mungu vya kweli. Ne peuvent à aucun cas. Wala wezi kamwe. Adorer la statue, adorer le conseil mondial des églises, entrer dans le conseil mondial des églises, apprécier le conseil mondial des églises, recevoir la marque de la bête, entrer dans l'image de la bête. Ils ne peuvent jamais le faire comme ces filles. Les cas de ces trois. Paka vile ilifika na hapa tatu. Barafiki ya Danieli. Shadrach. Shadrach. Meshach. Meshach. Et Abednego. Na Abednego. Oui bien aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Les véritables chrétiens. Ba Kristo ba vya kweli. Réellement nés de nouveau. Benye kuzaliwa mara ya pili vya kweli. N'adoreront jamais Abata Abudukamu, Satan dans les conseils mondiaux des églises. Shetani mushauri ya ulimwengu wa makanisa. Lorsque nous arriverons sur ça, nous allons en parler avec beaucoup de détails. Wakati tutafikia pahi, tutaisemea na ma upana. Aujourd'hui, tout semble être comme de la blague. Leo, vintu viku naonekana sana ni michezo. Nous parlons du conseil. Wakati tunasemea yule ya shauri ya ulimwengu wa makanisa. Quand nous parlons de la marque de la bête. Wakati tunasemea yule ya chapa ya nyama. Les membres d'église s'en moquent. Ba member makanisa beko na chekelea hivi. Le temps viendra. Duku, wakati itakuya. Où personne ne peut vendre ni acheter. Ile mtu hawezi kununua. Personne ne peut faire même un lopin. Un lopin de champ. Personne ne peut aller à la banque. Personne ne peut aller à l'hôpital. Personne ne peut aller au marché. Personne ne peut prendre un moyen de transport. Personne ne peut faire n'importe quelle activité si il n'a pas la marque de la bête. Les temps viennent. Où ce que vous écoutez ce soir sera une réalité comme la statue d'or que Nebuchadnezzar avait érigé dans le royaume de Babylone. Oui bien aimé frère. Oui bien aimé soeur. Il fallait être de la race royale et d'une famille noble pour ne pas s'agenouiller devant cette statue. Quand cette statue était érigée, lorsque la trompette avait sonné, les instruments chantaient, il y avait beaucoup d'onction. Il y avait la danse, il y avait la musique, les trompettes sonnaient. Et quand on va crier, tout le monde, dans le royaume de Babylone, petit et grand, riche et pauvre, tout le monde était à genoux. Mais il n'y avait que Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient les croyants de Dieu ou pas le véritable Dieu vivant. Et ils ne pouvaient pas le faire. Oui, bien mes frères. Ils ne pouvaient pas le faire. Et ils ne l'ont pas fait. Pour ces trois compagnons de Daniel. Ce n'était pas ce n'était pas un songe. Aikukuye mambo ya ndoto. C'était une réalité. Kwani mambo ya kweli. Oui bien-aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Dans le verset 13. Dans le verset 13 de Daniel chapitre 3. Mumustari yake ya 13 ya Danieli sura yake ya 3. Alors Nebuchadnezzar. Ah pale Nebuchadnezzar irrité et furieux. Mwenye kukasirika sana. Donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Akaleta agizo balete Shadrach, Meshach na Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Na bantu bakapelekwa mbele ya mfalme. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit. Nebuchadnezzar akaanza kusema. Et c'est des propos délibérés. Et c'est tuni kumakusudi. Ni mukibengo tu. Shadrach, Meshach, Meshach et Abednego, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, sasa, tenez-vous prêt. Au moment où vous entendrez le son de la trompette. Là, c'est tout le monde, c'est tout le peuple du royaume. Maintenant, vous êtes à trois. Je vais ordonner aux trompetteurs, à tous ceux qui ont les instruments de musique, de chanter pour vous trois. Seulement vous trois. Maintenant, je vais voir moi-même. Comment vous n'allez pas chanter? Vous n'allez pas adorer. On va chanter seulement que tout le monde se tienne debout. Ça sera maintenant le tour de ces trois amis. Shadrach, Meshach et Abednego. On va chanter pour vous. Dès que vous entendrez le son de la trompette et tous les instruments de musique, adorez-les. Vous allez adorer l'image. Adorer la statue. C'est vrai. Ils étaient devant une épreuve. Mais rien n'est difficile à ceux qui croient réellement en Dieu. Et à ceux qui font confiance en Dieu. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, ainsi de suite, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel orgueil. Parce que Nebuchadnezzar se croyait déjà un Dieu. Il pensait que la vie de ses trois compagnons de Daniel dépendait de lui. Notre vie ne dépend d'aucune personne sur la terre. Notre vie est entre les mains du Tout-Puissant. Rien ne peut nous arriver sans que notre Dieu l'ait ordonné. La mort ne peut pas nous atteindre. La maladie ne peut pas nous atteindre. La souffrance ne peut pas nous atteindre. Si cela n'a pas été ordonné par notre Dieu. Quand Dieu permet que quelque chose nous arrive, c'est pour éprouver notre foi et pour que sa gloire soit manifestée. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez bien mes frères. Avec beaucoup de menaces. Un chrétien ne craint pas les menaces. Un véritable chrétien ne craint pas la mort. Soyez né de nouveau. Soyez baptisé du Saint-Esprit. La crainte de la mort disparaîtra en vous. Les gens qui craignent la mort prouvent qu'ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi les gens, ils craignent les chats, ils craignent les sorciers, ils craignent n'importe quoi, ils craignent l'imagination. Oui, bien mes frères, des malédictions qui n'existent pas. Par crainte de la mort, les gens commettent des bêtises. La crainte de la mort est un signe qui prouve que tu n'es pas sauvé. Un chrétien ne craint pas la mort. Voyez bien mes frères, il sait que même s'il mourait dans son corps, mais le Seigneur Jésus-Christ le ressuscitera. Il croit encore que s'il meurt dans ce corps, il est allé se reposer contre toutes ces difficultés de la vie. Il va au repos. C'est pourquoi il ne craint rien. La crainte de la mort est un signe qui prouve que tu n'es pas sauvé. L'Église est avec moi. La crainte de la souffrance est un signe qui prouve que tu n'es pas sauvé. Oui, bien-aimé frère. Mais écoutez les véritables croyants. Les véritables Dieu vivant. Qui croyait que tout est possible à l'heure de Dieu. Ils étaient dans la main du Tout-Puissant. Écoutez les réponses. Dans Daniel 3, Daniel, sura 4, au chapitre 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Un chrétien ne discute pas sur sa foi. Ne se discute pas avec les incroyants. Nous avons cru et nous vivons ce que nous avons cru. Nous défendons ce que nous avons dit. Nous n'avons pas besoin qu'on nous exhorte. Nous n'avons pas besoin qu'on nous exhorte. Oui, bien aimé frère. Personne ne peut se discuter avec moi sur ce que je crois. Il dit, oh, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Et sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ah, j'aime beaucoup ça. Voyez bien mes frères. Où sont ces croyants aujourd'hui? Qui peuvent se tenir devant le public, devant les autorités, devant les gens qui dominent sur la terre, devant les grands et les puissants, pour défendre leur foi? C'est vrai. Il n'y a que de véritables chrétiens qui font déjà partie de Christ. Ils ont une partie de Christ en eux. Et ils font partie de Christ. L'Esprit de Dieu véritable habite leur cœur. Ils ne peuvent jamais faire de compromis avec ce qui est faux. ne peuvent jamais adorer ni croire au mensonge. Shadrach, Meshach et Abednego savaient que cette statue était une idole sans vie. Était un mensonge. La statue n'était pas Dieu. C'était Satan dans la statue qui voulait le faire désobéir à la loi de Dieu. Et ils sont restés. C'est vrai. Tout droit dans les bottes. Avec les yeux fixés sur Dieu. C'est ce que feront les véritables chrétiens. Au temps de la persécution du Conseil mondial des églises. Ils n'auront pas le temps de discuter avec l'église catholique et l'église protestante. Ils seront prêts à défendre leur foi. Mais il faut être déjà prêt aujourd'hui. Vous ne serez pas un chrétien à ce temps-là wakati, pour défendre ta foi. Shadrach, Meshach, Abednego étaient déjà des juifs de la famille royale. Vous voyez, de la race royale, de la famille des honorables. Vous voyez, ils croyaient déjà en Dieu. Ndani ya Mungu. Ils n'ont pas attendu qu'on fasse la statue pour croire. Ils étaient déjà des croyants. Si vous n'êtes pas croyant ce soir, vous ne le ferez pas demain kesho, devant l'épreuve de feu. Mbele ya, kipi, jaribu ya nguvu, ya moto. Tunafundishaka que la foi ya kusema imani est individuelle. Ni ya kila mtu palo wake. Et il n'y a que peu de gens qui sont sauvés. Na kukutu bantu kiloko njo benye kukuliwa. Ne pensez pas apana kuwazia kusema que dans le royaume de Babylone, mufalme ya Babyloni, il n'y avait que ces quatre murikuya paka aba baini ou ces trois compagnons de aba rafiki yake batatu ba Danieli. Il y avait des milliers de murikuya de 40 mille zaidi ya 40 mille des juifs rétrogrades, lakini ba yuda benye kuzi ya nyuma idolâtres ba kuabudu sanamu, qui avaient plié les genoux bale batwanga magoti yabo. Voyez, mnaona bale batwanga magoti yabo pour adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ils étaient là. Parce que l'ordre d'adorer la statue était donné à tout le monde, à tout le peuple, à toutes les nations, à toutes les langues, les juifs y compris. Vous voyez bien mes frères. Ils avaient adoré. Mais lui, elle ne pouvait pas le faire. Lakini, bo, abakuwezi kuifanya. Oui, bien-aimé frère. Ndiyo ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé frère. Ndiyo dada mpendwa. C'est pourquoi. Jo kwa mana. Aujourd'hui, négligez la parole. Leo, sula neno. Allez au champ comme vous voulez. Wende kumashamba vile unapenda. Faites vos commerces, vendez. Fanya comme vous voulez. Fanya mabiashara yako, uzisha vile unapenda. Mais le temps viendra. Lakini wakati itakuya. Où tu vas chercher la même parole que tu me dis aujourd'hui. Mais ça sera difficile. Lakini itakuya nguvu. Oui, bien-aimé frère. Ndio ndugu mpendwa na dada. Oui, bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Dans Apocalypse au chapitre 13. Mufunuo sura yake ya 13. Dans le verset 4. Et ils adorèrent les dragons. Nabakabudu joka. Parce qu'ils avaient donné l'autorité de la bête. Il avait donné l'autorité à la bête. Nous expliquerons tout ça. Kwani arileta kama mulaka kwa nyama. Ils adorèrent la bête nyama, en disant qui est semblable à la bête sema, ni nani nana nyama. Et qui peut combattre contre elle. Na, nani anawezi kumkombanisha. Vous voyez. Regardez le verset 7. Il lui fit donner de faire la guerre au sein. Nous allons expliquer tout ça. Vita et pour le vaincre. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu. Tout peuple. toute langue, yule ya lugha yote, toute nation, na yule ya taifa yote, et tous les habitants de la terre, na bakaji bote papa dunia, l'adoreront. Batamwabudu. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui avait été immolé dès la fondation du monde, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, à la mort, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par épée, kama mtu anaua kwa mpanga, il faut qu'il soit tué par l'épée. Anapasha kuuawa na yeye kwa mpanga. C'est ici la persévérance. Ni hapa njope ukudumu. Et la foi des saints. Na imani ya patakatifu. Nous en parlerons. Utaisemia. Frère, le temps vient. Nduku, wakati inakuya. Les choses que nous vous disons, ibi bintu tukunaimionesha, seront une réalité. Bitakuya bya bya kweli. Oui, bien aimé frère. Dio, et maintenant tout se prépare. Na, apa sasa byote bikunajitayarisha. Tout se prépare. Yote bikunatayarishwa. Pour que toute langue, ju lugha yote, que tout peuple, que toute nation sur la terre, taifa yote pa dunia, que tout habitant de la terre, mkaji wote wa dunia, adore Satan, abudu shetani, dans le conseil mondial des églises. Ushauri ya ulimwengu wa makanisa. Le temps vient. Wakati inakuja. Et ce n'est pas loin. Na aina. Parce que le décor est déjà planté. Oui, bien aimé frère, tout est déjà planté. Le décor est déjà planté. Tout est déjà prêt. Bientôt ici, quand l'église sera enlevée, ce que vous entendez ici, vous le verrez s'accomplir. Mais tous ceux qui blaguent avec la parole, tous ceux qui jouent avec la parole, tous ceux qui méprisent la parole de Dieu, tous ceux qui négligent la parole de Dieu, sentiront la colère de la bête. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Mais les véritables élus. Lakini bateule babia kweli. Dont le nom a été écrit. Bale manjina yabo iliandikwa. Dans le livre de vie de l'agneau. Mukitabu cha uzima ya mwana kondoo. N'adorerons pas Satan. Abata abudu kamwe shetani. Nous en parlerons avec beaucoup de détails. Tutaisemea sana mupana. Mais vous avez déjà le plan. Lakini mko na mapu. C'est pourquoi la statue. Joko amana sanamu. Du roi Nebukadnezar. Ya mfalme Nebukadnezar. Est un type. Ni de l'image de la bête, ya picha ya nyama, de la marque de la bête, ya chapa ya nyama, du conseil ecumenique des églises, ya shauri ya que Satan doit imposer sur toute la terre, tout dans le but de décarter les véritables chrétiens de la terre et de la sainte. Na, et il est fait na, au moyen de la politique, au moyen de la religion pour atteindre cet objectif. Et le plan de Satan, il veut toujours se faire adorer. Maintenant il va le faire sur toute la terre. C'est pourquoi soyez prêts. Parce que nous devons affronter cela. Mais heureux à ceux qui ont le Saint-Esprit, à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont déjà fils de Dieu, parce qu'ils ont une garantie. Leurs noms sont écrits. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et n'adoreront pas cette statue. Ils ne peuvent jamais adorer ça. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Avez-vous compris? Qui ont compris? Très bien, que Dieu vous bénisse. Uzuri sana, Mungu emibariki. Que celui qui a des oreilles, mwenye kuya na mashikio, entende, ashikie, ce que l'Esprit dit, ile roho ikunasema, à l'église, kukanisa. Le temps vient. Wakati inakuya. Tu ne peux pas aller à la Chekamine pour travailler. Awezi kuenda ku Chekamine kutumika. Même si les Chinois. Adaku ba Chinois. Tu ne sauras pas travailler. Ah, mais quand ce temps-là arrivera, wakati ile wakati tafika, il faut que ce temps se trouve en Christ. Il n'a pas le wakati ifike huku ndani ya Kristo. Tu vas adorer la statue de Nebuchadnezzar. Kama bana utaabudu sanamu ya Nebuchadnezzar. Parce que dans le conseil ecumenique. Jumu ile mshauri ya makanisa. Il y aura de l'onction satanique. Mutakuya upako ya kishetani. Animé. Yenye kusukumwa. Par les trompettes. Na ma parapanda. Les drums. Ma drum. Les synthés. Ma synthé. Ma guitare. Et toutes sortes d'instruments. Na ma vyombo vyote vya muziki. Agrémenter la fête de l'adoration de Satan. Parce que Satan a vu cela au ciel. Il a vu comment les chérubins et les anges au ciel adoraient l'Éternel des armées. Il disait, saint, saint, saint, et l'Éternel des armées. Et il a apprécié cela. Et l'orgueil est monté en lui. Et il va accomplir cela na ataitimiza ile sur tous les impies de la terre. Yulu ya baofu bote wa padunia. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Lève-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Seigneur, nous te disons merci. Bwana tunakupigia asante pour ces grandes révélations que tu nous donnes. Juu ya ufunuo. Nous croyons que nous sommes les fils de la promesse. Et nous croyons que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donne-nous suffisamment de la sagesse, donne-nous suffisamment de l'intelligence pour ne pas tomber dans les mains de l'ennemi, afin, dans le piège de l'ennemi, afin d'adorer Satan. Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es le seul véritable Dieu vivant. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais pour nous dans la simplicité, pour ces avertissements et pour ces grandes révélations que nous voyons déjà à travers la statue de Nebuchadnezzar. Merci Seigneur Jésus, bénis ton peuple, révèle-toi à chacun de nous pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.